amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes toujours bien à l'écoute de Radio Guy Mouzeau, anciennement Radio Trait d'Union. Émission de ce soir, c'est Mosaïque. Alors, dans cette mosaïque, il y aura une histoire des migrations, des invasions, les Attila, les Vandales, les Visigoths, etc. Hein, pour montrer que, des mouvements de population, il y en a toujours eu, plus ou moins pacifiques. Je fais tout ce que la télévision me demande de faire et je m'emmerde. Signé Jean-Yann. Bon. La force et le courage, un poème. Libre pensée sur l'athéisme et les religions. D'où vient la fête du travail? Chevalier Las Palès, le train de Pau. Vous savez, prendre le train pour aller à Pau, c'est pas forcément facile. Ginette Garcin, lorsque papa, etc. Ensuite, Sainte-Soline, les secours. Julien Le Guay, leader anti-bassine. La soirée d'éco-racisme, le billet de Charline. Charline Vanhoenacker, vous savez, la Belge qui nous fait rire bien souvent. Eh oui, elle est sympa quand même, hein. La Chine, économie, technologie. Et puis ChatGPT, intelligence artificielle, Poutine, USA, Europe. Poutine, USA, Europe. Eh ben. Et puis une petite revue de presse. Voilà. L'époque tragique des Huns est enfin derrière nous. On pourrait croire que c'est le moment de souffler, mais non. L'Empire d'Occident est en phase terminale. Le crépuscule de l'Ouest démarre dès la mort d'Attila. Voyant que l'Empire des Huns se décompose, l'empereur Valentinien III se dit que c'est gagné. Il n'a plus besoin de son maître des milices, Aetius. Et comme il a peur de lui, il décide de l'égorger. Invraisemblable. Il vient de reproduire exactement la même bévue qu'Honorius vis-à-vis de Stilicon. À l'époque, la sentence était tombée immédiatement. Les Visigoths avaient pu mettre Rome à sac. Et bien cette fois, il va se produire exactement la même chose. Ça se fait en deux temps trois mouvements. Premier round, les partisans d'Étus se vengent en assassinant l'empereur. Deuxième round, les Vandales profitent du suicide des Romains pour faire un raid jusqu'à Rome. La ville est mise à sac le 2 juin 455, un événement qui contribuera beaucoup à la réputation des Vandales. Le nouvel empereur, qui est dans la ville à ce moment-là, est lynché par la foule en voulant s'enfuir. Un désastre total. En fait, la mort de Valentinien III aura marqué la fin du peu de prestige qui restait aux empereurs. Les derniers empereurs d'Occident vont se succéder sur le trône à vitesse grand V, comme des fantômes. Ironie de l'histoire, la fin de l'Empire des Huns aura entraîné celle de l'Empire romain d'Occident. Heureusement qu'il y a les Germains fédérés pour tenir la baraque. En particulier, les Wisigoths sont devenus plus romains que les Romains eux-mêmes. Après 80 ans à errer dans l'Empire, ils ont fini par se romaniser pour de bon. Leur nouveau roi Théodoric II est une vraie crème. Dès que les Romains lui demandent un truc, il obéit. Il se charge pour eux de reconquérir l'Espagne occidentale aux dépens des Suèves. Ceux-ci sont ramenés dans leur bonne vieille Galice, plus facile à défendre, et ils ne quitteront plus le secteur à l'avenir. Les Germains fédérés ne se contentent pas d'attaquer les autres, ils font aussi la police sur leur propre territoire. L'Aquitaine des Wisigoths, la Belgique des Francs, la Suisse des Burgondes, c'est les trois seuls territoires de la Gaule où on peut se déplacer sans risquer de mourir au moindre carrefour. Les Gallo-Romains commencent à en avoir conscience. En 457, les notables de Lyon et des villes voisines décident tout bonnement d'offrir leurs clés au roi Burgonde en échange de sa protection. Le royaume Burgonde voit sa superficie tripler sans un coup de fer, depuis Langres au nord jusqu'à Grenoble au sud. L'Empire tente bien de récupérer le contrôle, en vain. Conformément aux attentes, la région va bel et bien retrouver la sécurité. Comme les Burgondes étaient voisins des Francs à l'origine, ils ont des pratiques à peu près similaires. En particulier, tous les fils ont droit à leur part à chaque succession. Comme chez les Mérovingiens, il va y avoir des têtes coupées à n'en plus finir et des guerres civiles qui vont ternir quelque peu leur bilan. Pour le reste, ils ont largement adopté les traditions romaines. Et même s'ils sont ariens, ils sont plutôt tolérants vis-à-vis de la population nicéenne. On est au crépuscule de l'Empire, mais quelques premiers rayons de soleil apparaissent déjà. Certains ont déjà choisi de tourner la page de l'Antiquité. Hallo, ich heiße Sarah Maria. Und ich heiße Mona. Und ich bin Gali. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un poème de Berthold Auerbach. Der Unterschied zwischen Kraft und Mut. Man braucht Kraft, um stark zu sein, aber man muss Mut haben, um höflich zu sein. Man braucht Kraft, um sich zu verteidigen, aber man muss Mut haben, um Vertrauen zu haben. Man braucht Kraft, um einen Kampf zu gewinnen. Aber man muss Mut haben, um sich zu erheben. Man braucht Kraft, um Recht zu haben. Aber man muss Mut haben, um zu zweifeln. Man braucht Kraft, um stabil zu bleiben. Aber man braucht Mut, um aufrichtig zu bleiben. Man braucht Kraft, um das Leiden eines Freundes zu sehen. Aber man braucht Mut, um sein eigenes Leiden zu fühlen. Man braucht Kraft, um seinen eigenen Fehler zu verbergen. Aber man braucht Mut, um dieselben zu einzugestehen. Man braucht Kraft, um das Unrecht zu ertragen, aber man braucht Mut, um dieselbe zu beenden. Man braucht Kraft, um allein zu bleiben, aber man braucht Mut, um Hilfe zu bitten. Man braucht Kraft zum Lieben, aber man braucht Mut, um geliebt zu werden. Man braucht Kraft, um zu überleben, aber man braucht Mut zum Leben. Danke. Dankeschön. Je m'appelle Antoine Duval. Je suis un Français moyen. J'ai 40 ans, je mesure 1,70 m, je pèse 80 kilos. Je suis fonctionnaire, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite un appartement de 3 pièces que j'ai obtenu grâce au crédit foncier. J'ai souscrit une police d'assurance vie. Je possède la télévision équipée 2e chaîne. J'ai un compteur bleu. Et tous mes meubles portent l'estampille NF. Je n'aime que la cuisine au beurre. Je mange du pain d'épices. Quand je fais cuire des nouilles à la semoule de blé dur, je les goûte. Je les goûte souvent. Je bois de la chicorée. Je fais régulièrement la cure orange. Je bois du jus de raisin. Je bois du jus de pomme. Je fais la pause café. Je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde. Une chanson posthume de Boris Vian, mise en musique par Claude Vance, à tous les enfants. Enfants qui sont partis le sac au dos par un matin brumeux d'avril, je voudrais faire un monument à tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin. Je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu, un monde neuf où sur un corps qui va tomber grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui vendent ripotes dans la vie et comptent leurs écus, à tous ceux-là, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, des marques de honte et de boue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. L'athéisme, qu'est-ce que c'est finalement ? Peut-on développer par exemple une certaine forme de spiritualité tout en étant athée ? Une série de personnalités vont tenter de répondre à ces questions dans le reportage qui va suivre. Xavier de Sutter, Luc Ferry, André Comte-Sponville ou encore Frédéric Lenoir nous donnent leur vision de l'athéisme et des religions. L'athéisme fait partie de la pensée humaine, l'incroyance est tout à fait possible et notre Occident le prouve, même si ça reste le fait d'une minorité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que même si l'homme peut se passer de la transcendance, il aura toujours besoin, il aura envie de se prolonger, donc il aura une vie intérieure, c'est-à-dire que la spiritualité restera toujours là. Une spiritualité qui peut être laïque, qui peut être humaniste. La spiritualité, finalement, c'est quoi ? C'est le désir de fermer les yeux ou de les tourner vers l'intérieur, d'avoir une vie intérieure, et à partir de ce moment-là, la transcendance n'est plus indispensable, on est dans l'immanence. En fait, si on veut bien y réfléchir, le succès actuel du bouddhisme en Occident, on peut dire que c'est une philosophie qui a énormément de succès et de plus en plus, une forme d'orientalisme qui est fort à la mode depuis les années de la contre-culture des années 60. Pourquoi ce succès ? En partie parce que c'est ça qu'il nous dit finalement, que Dieu n'est pas un être extérieur et transcendant à nous, un être à adorer, mais qui est plutôt un état, un état intérieur intrapsychique à réaliser. Et c'est ce que les Occidentaux ont envie d'entendre de plus en plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc il y a en Occident une sorte de rejet peut-être du monothéisme, du théisme de façon générale, ce qui ne veut pas dire qu'on arrive forcément à un athéisme ou à une indifférence religieuse, mais il y a la possibilité, certainement, de se passer de toute référence à une divinité extérieure, à un dieu créateur, qui est un peu en perte de vitesse quand même, en tout cas en Occident. C'est sûr qu'on ne peut pas généraliser, si on fait le tour de la planète, les autres continents sont certainement encore très très forts imbibés de la pensée religieuse, des religions institutionnalisées, ça c'est sûr. Athéos, c'est sans Dieu, je ne crois en aucun Dieu, en aucune vie après la mort. C'est ça, être athée. Alors ma singularité, elle est peut-être moins dans mon athéisme, parce qu'en gros, un Français sur deux ou sur trois est athée. Moi, je me définis comme athée non dogmatique et fidèle. Disons quelques mots, si vous voulez bien. Athée, parce que je ne crois pas en Dieu, c'est le plus simple. Pourquoi athée non dogmatique? Parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Tout bêtement parce que personne ne sait, au vrai sens du verbe savoir, si Dieu existe ou non. Je ne sais pas si Dieu existe ou non, je crois qu'il n'existe pas. Autrement dit, un athéisme non dogmatique, c'est un athéisme qui reconnaît être une croyance, croyance négative, mais croyance, et non pas un savoir. Et puis troisièmement, athée fidèle, parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, dont beaucoup sont nées dans les grandes traditions religieuses, et spécialement pour nos pays, dans la tradition judéo-chrétienne. Autrement dit, je ne crois pas du tout en Dieu, mais la figure de Jésus-Christ, par exemple, comme homme, me touche, m'intéresse et m'éclaire. Bref, ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne. On a aujourd'hui un athéisme que je trouve très chrétien, c'est-à-dire des gens qui disent que Dieu n'existe pas, mais qui en fait reprennent la totalité de l'éthique chrétienne, mettons éthique chrétienne entre guillemets, enfin des valeurs chrétiennes. Et je me dis, il y a probablement un certain nombre de valeurs qui ne sont pas défendables en tant que telles. On peut prendre par exemple l'idée de l'amour du prochain parce qu'il serait notre prochain. Ce que je ne crois pas. On ne peut pas aimer son prochain s'il n'est pas aimable. Parce qu'on peut dire, si effectivement notre prochain est aimable, quel besoin y a-t-il d'inviter un amour du prochain? Voilà, si quelqu'un est aimable, vous êtes aimable, j'ai envie de vous aimer, il n'y a pas d'obligation éthique à cet endroit-là. En revanche, quand on nous dit qu'il faut que, par exemple, la victime aime son bourreau, parce que c'est plutôt là que l'éthique fonctionne, parce qu'il y a un devoir d'amour du prochain, parce qu'il est notre prochain, et que dans la bestialité de celui qui a abusé de nous, par exemple, il y a une humanité qu'il me faudrait respecter et prendre en considération, en considérant que il y a toujours du meilleur dans le pire des hommes, et que cette éthique-là, elle nous invite à ne voir que le meilleur, et à considérer que, eh bien, il faut pardonner les péchés, aimer son prochain, ça je ne pense pas que ce soit défendable. Donc je propose à cette espèce d'égalitarisme éthique qui fait qu'on a un a priori d'amour parce que autrui est autrui et que c'est sa seule qualité, et qu'on puisse opposer une éthique qui elle soit aristocratique, c'est-à-dire de l'élection, qu'on aime les gens aimables et qu'on n'aime pas les gens qui ne soient pas aimables. Toutes ces questions-là, la question de la mort, la question de l'amour, la question de l'ennui, sont des questions qui ne relèvent pas de la morale et qui appartiennent à ce que j'appelle la spiritualité laïque, la vie de l'esprit. Voilà. Elles touchent à la problématique de la vie bonne pour les mortels. C'est ça la problématique fondamentale de la philosophie. Il y a deux types de réponses, et je m'arrête là. Il y a des réponses à la question de la vie bonne, la question de la sagesse, c'est la même question. Il y a des réponses qui passent par Dieu et par la foi, et ça s'appelle les grandes religions. Et puis il y a des réponses à la question de la vie bonne qui passent non pas par Dieu et par la foi, mais par la lucidité de la raison et par les moyens du bord, si je puis dire, c'est-à-dire par nous-mêmes, et c'est les grandes réponses philosophiques. Si vous lisez Spinoza, l'éthique, par exemple, eh bien Spinoza vous promet que si vous le suivez, vous aurez une éternité de joie, c'est pas rien, c'est le souverain bien, c'est la vie bienheureuse, mais il le promet sans passer par la foi religieuse et sans passer par Dieu. Oui, la religion est un facteur de protection. Les religieux supportent mieux les drames de l'existence, et les religieux, s'ils sont soutenus par le milieu religieux, par la foi, par la croyance, reprennent un bon développement. Mais il ne faut pas oublier aussi que la religion est source de guerre, et que les guerres de religion, que ce soit des religions sacrées ou des religions profanes, hein, l'idéologie, que ce soit des croyances terribles, c'est source de guerre. C'est-à-dire qu'on a un langage totalitaire, il n'y a qu'une vérité, la mienne. Si vous n'avez pas la même religion, la même couleur de peau, le même niveau social que moi, si vous mourrez, c'est quand même pas très grave. Donc c'est le même procédé qui permet aux religieux, à ceux qui ont la croyance, de mieux affronter les malheurs de la vie et de mieux redémarrer s'ils sont soutenus, oui. Parce que la religion donne un sens et un soutien, les deux mots-clés de la résilience. Mais là encore, il ne faut pas être prisonnier d'une croyance unique, c'est la croyance totalitaire qui est la source de presque toutes les guerres. Les grandes religions, on a vu que au cours des derniers siècles, il y a eu de plus en plus un raidissement dogmatique. On s'est beaucoup plus concentré sur une morale, sur le dogme, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut pas croire, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire, plutôt que de donner du sens et d'apporter une nourriture spirituelle qui permette aux gens qui se posent des questions d'avoir une vie intérieure. Et donc, je dirais qu'il y a eu un dessèchement des religions qui se sont sclérosées et qui sont devenues de plus en plus ou cérébrales, ou moralistes, ou formalistes, qui de plus en plus de nos jours, dans le contexte de la mondialisation, sont dans des crispations identitaires, avec beaucoup de fanatisme. Donc tout ça a éloigné considérablement les gens de la religion. Évidemment, quand on pense existentialisme, on pense Sartre, hein, Jean-Paul Sartre, mais il y a eu un existentialisme athée, il y a eu un existentialisme chrétien également, et je crois qu'à chaque fois qu'il y a un existentialisme, il y a cette revendication de la part de l'individu à un droit de penser par soi-même et à un droit de décider de soi-même de façon libre, y compris sur le plan spirituel. Que ce soit dans le domaine spirituel ou dans n'importe quel autre domaine, la liberté, c'est pas facile. Ça implique de pouvoir prendre une responsabilité. Je lis toujours ces notions de liberté et de responsabilité. Une responsabilité par rapport à ce qu'on est, hein, ce qu'on pense et ce qu'on veut faire de soi, de sa vie, etc. Si vous souhaitez revoir ce reportage du Centre laïque de l'audiovisuel, rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be. Vous y retrouvez également toute la programmation et les thèmes de nos prochaines émissions radio et télé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité Libre Ensemble. Institutrice à Sainte-Anne de Quimperlé, qui n'y voyant pas malice, épousa un divorcé. Vive les culs bénis, ma mère, vive les culs bénis, vive les culs bénis, ma mère, vive les culs bénis. Elle fut mise à la porte sans aucune hésitation. Faut pas de gens de cette sorte dans une bonne institution. Vive les culs bénis, ma mère, vive les culs bénis, vive les culs bénis, ma mère, vive les culs bénis. Elle plaida l'institutrice devant sa juridiction, obtint en bonne justice sa réintégration. Vive les culs bénis, ma mère, vive les culs bénis, vive les culs bénis, ma mère, vive les culs bénis. Il y avait les hypocrites, les chafouins, les trop nourris, les foutriquets, les jésuites, les cagots, petits esprits. Vive les culs bénis, ma mère, vive les culs bénis, vive les culs bénis, ma mère, vive les culs bénis. Ils lui ont fait des vacheries et des emmerdements, et lui feront des avenirs jusqu'à ce qu'elle foute son camp. Vive les cupénis, ma mère, vive les cupénis. Vive les cupénis, ma mère, vive les cupénis. Morale. Il faut se mettre à la colle, beaucoup de curés le font, pour garder dans son école sa considération. Vive les cupénis, ma mère, vive les cupénis. Vive les cupénis, ma mère, vive les cupénis. Le 1er mai, c'est la fête du travail. L'occasion de ne pas travailler ou d'aller manifester. Mais pourquoi une fête du travail? Pourquoi a-t-elle lieu le 1er mai? Explication et histoire tout de suite. En France, l'idée d'une fête du travail remonte à la Révolution française. En 1793, un député révolutionnaire, Fabre d'Églantine, institue une fête du travail dont la date est fixée au 1er pluviose, qui correspond aujourd'hui au 15 janvier. Cette première fête du travail ne durera que quelques années. C'est en Australie qu'est née la fête du travail moderne. En effet, les travailleurs australiens décident en 1856 d'organiser une journée d'arrêt total de travail afin de manifester pour la journée de 8 heures. Il faut savoir qu'à l'époque, il était commun de travailler 10 voire 12 heures par jour. Cette journée eut lieu le 21 avril et connut un tel succès qu'elle fut renouvelée les années suivantes. En 1886, les Américains décident d'imiter les Australiens et d'instaurer eux aussi une journée de grève afin d'obtenir la journée de 8 heures. La date du 1er mai n'est pas choisie au hasard. De nombreuses entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable, ce qui rend l'action particulièrement efficace. Si certains ouvriers obtiennent satisfaction, ils sont 340 000 à travers tout le pays à entamer une grève générale. Le 3 mai, à Chicago, une manifestation fait 3 morts parmi les grévistes. Le lendemain, lors d'une marche de protestation, la situation dégénère et 7 policiers sont tués par une bombe. 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort et exécutés le vendredi 7 octobre de l'année suivante. Depuis, il a été prouvé qu'ils étaient innocents et victimes d'un complot politico-policier. Ce jour reste dans l'histoire américaine comme le Black Friday. En 1889, la Deuxième Internationale Socialiste, qui est une association de travailleurs et de partis politiques venus de tous les pays, se réunit à Paris. Les 400 délégués décident de créer à leur tour une journée mondiale d'arrêt du travail qui serait à la fois une fête des travailleurs et une journée de revendication. La première étant la journée de 8 heures. La date du 1er mai est choisie en hommage au mouvement de Chicago. Et en 1890, la fête du travail est célébrée dans la majorité des pays. En France, la journée de 8 heures est officiellement adoptée en juin 1919. C'est la Russie soviétique qui, en 1920, sera la première à faire de la fête du travail une journée de repos national, chômée mais non payée. En 1933, afin de rallier les ouvriers, l'Allemagne nazie va encore plus loin et fait de la fête du travail une journée chômée et payée. En 1941, le régime de Vichy suit l'exemple allemand et désigne officiellement le 1er mai comme la fête du travail, un jour férié mais non payé. Et c'est en 1947 qu'en France, sous le gouvernement de la Libération, la fête du travail devient à la fois chômée et payée. Aujourd'hui, la fête du travail est célébrée dans un très grand nombre de pays du monde. Alors, bonne fête à tous les travailleurs. Bonjour monsieur, j'aurais voulu, s'il vous plaît monsieur, les horaires de train pour aller à Pau. Monsieur, Pau. C'est ça, oui, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors, Pau. C'est ça, oui, Pau avec un P. Pau. Ouais, ben, je suis pas arrivé, moi. Vous avez un départ, gare d'Austerlitz, 6h57, arrivé à Pau, 15h23. Mmh. Ensuite, départ, 8h32, arrivé, 17h46. 10h42, 19h05, c'est un rapide. Mmh. 13h20, 21h16, et 17h02, 23h03, et 18h40, 0h22. Oui, alors, ces trains-là, monsieur, c'est pour Pau. Oui, monsieur, puisque vous m'avez demandé Pau. Non, non, mais il n'y a pas de problème, oui. Ils sont directs? Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi, il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Bah oui, monsieur, sinon vous iriez tout droit en Allemagne. Ah, il y a des vedettes, Il y a des vedettes, il y a des vedettes. C'est pas évident, ça. Vous n'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57? Si, monsieur, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Qui arrive à Pau à 22h31 le soir. Ben, il arrive pas avant les autres. Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train de nuit? Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, ben, c'est bien. Il y en a. Ah, ben, c'est bien. Ils roulent, c'est la nuit. Oui, c'est ça, c'est le train qui roule quand il fait nuit, qu'on appelle quasiment le train de nuit. Voilà. C'est ça. Il roule, c'est la nuit. Alors dites-moi, monsieur, dans la mesure où il me semble qu'apparemment vous êtes payé pour ça, est-ce que ça ne vous ennuierait pas d'avoir l'obligeance de bien vouloir me donner les renseignements que je vous demande? D'avance, merci. Et paf. Vous me cherchez, bon, hein, je ne vous cherche pas, monsieur. Si, vous me cherchez. Non, mais je vous cherche pas. Je vous demande des renseignements, vous me les fournissez au compte-gouttes. On va pas y passer la nuit, non? Vous me cherchez. Bon, non, Ah, il a un regard, c'est impressionnant, hein? Je me cherche. C'est pas celui de Lorraine Bacal, mais on dirait le port de l'angoisse. Cherche. Non, en tout cas, je vous ai trouvé, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Alors, ennui, départ 23h04, arrivée 7h01. Oui, c'est un couchette? Non, c'est un train de nuit. Mais vous ne pouvez pas dormir dedans, c'est interdit. Vous n'auriez pas par hasard des trains de nuit qui fissent couchette en même temps? Qui fissent? Oui, qui fissent, oui, oui. Il y en a un qui part à 00h12, qui fissent. Ouais. Il arrive à Pau à 7h59. Oui, c'est tout. Non, il y en a un autre qui part à 00h13, donc une minute après. Oui. Qui arrive à 7h64. Ah. Ah, ben c'est pas mal, ça, 64, oui. Alors celui-là, il met 3 minutes de plus. Oui, c'est un omnibus. Il s'arrête dans 60 gares, seulement il roule beaucoup plus vite entre les gares. Eh ben, j'espère qu'il a de bons freins. Au point de vue des tarifs, c'est pareil? Ça dépend à quelle heure vous partez. Disons celui de 00h12. Vous faites le tarif couple, évidemment. Oui, monsieur, mais seulement si vous êtes au moins deux et de sexes différents. Ah oui. Seulement moi, je suis seul et du même sexe. Dans ce cas, je peux vous faire mi-couple. Oui, alors allons-y pour mi-couple, oui. Alors en mi-couple, du même sexe. Ah. Ouais. Vous serez bien gentil de me garder le mien si ça vous fait rien. Je suis désolé, les couchettes sont pleines. Ah, elles sont pleines de quoi? Alors, je veux dire, c'est complet. Alors, il reste des wagons-lits, seulement c'est plus cher et vous n'aurez pas le mi-coupe. Oui, c'est beaucoup plus cher, le wagon-lit. 80% de plus. Oui, oh, bah... Oui. Ça vous fait le même prix que l'avion. Ah, bah, l'avion. Bah, donnez-moi les horaires d'avion, ça peut-être m'arranger, ça. Pour Pau? Ah, bah oui, je vais à Pau, je vais à Pau. J'ai pas changé entre-temps de... Vous voulez un vol direct? Oui, parce que d'une part, je connais bien Rennes et Strasbourg, et je dois me rendre à Pau le plus vite possible, puisque je vais à l'enterrement d'un vieux camarade. Alors, je voudrais lui serrer la main une dernière fois avant qu'il ne meure. Héros de l'aviation, qui ne meure. Vous avez le vol du matin à 10h. Très bien. Qui met 50 minutes. Parfait. Il est très rapide. Tant mieux. Le problème est qu'il repart aussitôt, vous n'aurez pas le temps de descendre. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Attendez, là, comment ça, on peut pas descendre? Je vous dis, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais, mais si on peut pas descendre. Cela dit, il est très rapide. Non, mais attendez, monsieur. La question est de savoir si je peux ou si je ne peux pas en descendre. C'est vous qui voyez. Ben non, ben c'est pas moi qui vois. Il y en a qui ont essayé. Oui, non, mais d'accord. Ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Ben, enfin, si on peut pas descendre, où est l'intérêt? C'est vous qui voyez. Ah, ben non, non, non, non, non. Il y en a qui ont essayé. Non, mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui aient essayé. Ils ont eu des problèmes. Hein? Je ne peux pas descendre. Cela dit, il est très rapide. Ah oui, mais enfin, si on peut pas descendre, où est l'intérêt? C'est vous qui voyez. Ben non, ben c'est pas moi qui vois. Alors, votre avion, si je comprends bien, il survole Pau, mais il n'atterrit pas? Si, monsieur, il atterrit. Ben alors, s'il atterrit... Il repart aussitôt. Ah, ben oui, mais moi, je ne suis pas parachutiste. C'est vous qui voyez. Non, non, non, non, c'est tout vu. Donnez-moi un autre horaire, là, on va pas y passer la nuit. C'est vous qui voyez. Non, non, non, non, eh oh. Un vol de nuit? Eh ben, très bien, un vol de nuit, voilà. Décollage du Bourget, 22h. Très bien. Arrivé à Pau, 8h15, le lendemain matin. Bah, il vole toute la nuit. Non, celui-là, il vole pas, il roule, celui-là. Ah ouais, il prend la nationale, celui-là. Seulement, il fait couchette et mi-couple. Non, mais attendez, je vais quand même pas passer la nuit entière dans un avion qui roule pour aller à Pau. C'est vous qui voyez. Oh non, non, non. Il fait couchette et mi-couple. Bon, ça m'est égal. Donnez-moi un wagon-lit qu'on en termine. Vous partez quand? Eh ben, lundi, les enterrements, c'est le lundi. Mais il n'y a pas de wagon-lit le lundi, monsieur. Alors moi, je ne peux pas aller à Pau. Non. Eh ben, c'est pas de veine. Ou alors? Ah, merci, mon Dieu, il a été touché par la grâce. J'aurai un train couchette, mais oui. Deux jours. Seulement, vous êtes obligé de dormir dedans. Hey, c'est contrôlé tous les quarts d'heure. Il y a un gars qui passe vérifier. Obligé, couchette de jour. Bon, allez, donnez-moi ça qu'on en finisse. Ah, il y a des jours où on regrette qu'il ne soit pas en grève, hein. Ah non, mais il y a une formation, hein. Ah. Oh là, ça branle du chef, là, hein. S'il vous plaît, je fais mon travail, oh, non, hein. Ah non, mais ah, ça... j'aime bien ça. Ah, ouais. On avait remarqué. Pour travailler du poignet, il est champion, lui. Ah non, mais il y a plusieurs séries, hein. Oui, oui. Ah. Allez, encore un petit coup pour la route. Yop là. Dites-moi, monsieur, c'est sans vous commander, mais vous ne lui avez pas fait le derrière. Interdit, monsieur. Enfin, ça pourrait être pire. Il pourrait conduire le train lui-même. Ça m'est déjà arrivé, monsieur. Il me semblait bien l'avoir lu dans les journaux. Alors, dites donc, ce train-là, il va bien à Pau? Il va forcément à Pau, puisqu'il va à Irun. C'est sur la ligne. Au revoir, monsieur. Ah, zut. Monsieur! Monsieur! J'ai oublié de lui dire. Ce train-là, il passe par Pau, mais il ne s'y arrête pas. Un jeune berlinois, aux yeux de porcelaine, sans trop savoir pourquoi, pense à Lily Marlène. En rêvant d'autrefois, il a du vague à l'âme. Sur le coup pour Stendham, il fredonne à mi-voix. Lorsque papa était à Paris en l'occupation, il rapportait du sucre à du riz et des provisions. Et dans les rues de Berlin, maman qui était souris grise se promenait en deux sans fin, elle était exquise. J'en boitais le pas, mon petit nez en l'air, sentait la lotion. Le chocolat ou le café vert en torréfaction. Vraiment, on ne s'en faisait pas pour aller aux commissions. Lorsque papa était à Paris en l'occupation, le jeune berlinois qui n'a pas raté le coche, sans trop savoir pourquoi, ah, des marques plein ses poches. Mais il songe parfois, en mâchant son chewing-gum, que s'il est un bel homme, c'est parce qu'autrefois, lorsque papa était à Paris en occupation, il rapportait du sucre à du riz et des provisions. Et dans les rues de Berlin, maman catait souris grise, aux pigeons distribuait du pain, elle était exquise. Entre les repas, on allait en tram prendre une collation, chez tante Greta ou chez l'oncle Herman voir ses collections. Vraiment, on ne s'en faisait pas, il n'y a pas l'autre expression. Lorsque papa était à Paris en occupation, le jeune berlinois qui ne veut pas d'esclandre, soudain baisse la voix, car on pourrait l'entendre. Et le montrait du doigt comme un énergumène, unique phénomène qui prétend qu'autrefois, lorsque papa était à Paris en occupation, il rapportait du sucre à du riz et des provisions. marchait dans la rue de Berlin. Maman, qui était souris grise, lui demandait s'il n'avait pas faim. Elle était exquise. Ça ne s'oublie pas, mais il repense encore avec émotion. Que si, n'est-ce pas, on bat les records de la production. C'est parce qu'autrefois, oh la belle génération, on ne manquait pas de sucre et de riz et de provisions. Lorsque papa était à Paris en occupation. Vous avez, vous en êtes où là de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression moi de loin? Alors déjà le problème c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait, on a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens de mur sur place parce qu'on a hors de temps envoyé par les forces de l'ordre. Ok. Est-ce que alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Oh, bonsoir. Va falloir s'accrocher. De la colère des antibassines à la sérénité du marais Poitevin. Le contraste d'une vie, celle de Julien Leguet, âpre défenseur d'un territoire dont il est devenu une icône. Ce que j'aime dans ce marais, c'est un certain sentiment de liberté, une certaine possibilité d'accéder aux choses. Et c'est peut-être lié au fait que l'eau ici, elle est encore à tout le monde. Une eau qui coule dans ses veines depuis l'âge de 5 ans. C'est mon cas. Ses parents instituteurs engagés dans la lutte environnementale décident de s'installer ici. Les années bonheur pour Julien Leguet et le début d'une prise de conscience écologique. Eh ouais, le militantisme est une maladie génétique transmissible de mère en fils, On part pour la journée en bateau, attraper des grenouilles, pêcher et compagnie. C'est une enfance pleine, connectée, et connectée à la nature, et pas connectée au bidule là, qui nous coupe de beaucoup de choses. Quoi. De quoi se forger un caractère et entrevoir un avenir au contact de la nature. Mon grand tic, regardez s'il y a des crottes de loup sous les ponts. Mais tout bascule dans les années 2000, les premières réserves d'eau vendéennes, suivies d'un projet de 16 autres dans le marais Poitevin, lui font prendre le chemin de la lutte. Le principe qui consiste à aller mettre sur les points les plus hauts du territoire des cratères qu'on va remplir par pompage, c'est une aberration technologique, c'est une aberration d'histoire, c'est complètement à l'envers du cycle naturel de l'eau. La goutte de trop pour ce père de famille, il fonde alors avec une vingtaine de militants le collectif Bassines Non Merci. C'est ça aussi qui motive beaucoup de gens dans la lutte sur les bassines, c'est qu'ils disent cette victoire elle est prenable, elle est gagnable. S'il n'y avait pas eu ce mouvement, ben les bassines, les 16, elles seraient déjà construites. Et là, ils en sont à 1,5 et peut-être que la semaine prochaine, ils seront à 0,5. Un mouvement dont il est devenu la figure de proue, reconnu à l'unanimité. Julien, c'est notre star. Il a beaucoup de compétences, il a beaucoup de courage, de hargne. Il en fait peut-être trop. Il se fatigue et puis il a une tendance à aller au sacrifice. Un engagement aux lourdes conséquences, audition, garde à vue, perquisition. Aujourd'hui, l'admiration sans limite de son père se teinte d'appréhension. J'ai un peu peur. Je sais pas ce qu'en face ils peuvent faire. Des fois je suis inquiet. Oui. Un chouette môme. Trop tard pour renoncer. La guerre de l'eau est aujourd'hui un enjeu national. Julien Leguet est prêt à payer le prix du combat. C'est tambour à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est tambour à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello boy, you come with me, amigo. Te quiero mucho, Liebling, come dormit mir. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, quand les nuages vont à pas lent, comme s'en vont les lourds chalands, le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg ou bien ailleurs qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui. M'a dit, je t'aime à plus finir, laisse dans la tout est marin, laisse dans la mer et puis viens, moi j'ai du bonheur à t'offrir. Ma petite gueule, c'est à Hambourg, au ciel de pluie, dans les bastringues matelots, que je trimballe encore ma peau, les bras ouverts à l'infini. Car moi je suis comme la mer, j'ai le cœur trop grand pour un seul gars, j'ai le cœur trop grand et c'est pour ça j'écris l'amour sur toute la terre. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. So long boy, adios amigo, nachher Schatz. Au revoir petite gueule. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a entamé sa mue écologiste lors de la soirée Valeurs Actuelles. Jordan Bardella a déclaré qu'il ne voulait pas laisser le sujet de l'écologie à la gauche, comme je le comprends. Déjà qu'ils ont laissé le sujet de l'immigration à Gérald Darmanin, ils commencent à en avoir marre de jamais être sur le coup. Puis d'autre part, les communistes sont tellement à dos sur le barbecue qu'à l'extrême droite, ils se disent « bon, on va faire l'inverse, on va faire la promo des artichauts et des asperges ». Donc la question c'est, y a-t-il contradiction entre l'extrême droite et l'écologie ? C'est complexe. Si l'extrême droite lutte contre le réchauffement climatique et la montée des eaux, c'est juste parce qu'ils veulent pas voir débarquer des Arabes à Poitiers, évidemment. Mais l'une des images de l'écologie aujourd'hui, c'est le tri sélectif dans des bacs de couleurs. Et ça, faire des différences de traitement en fonction de la couleur, ça parle au RN. Jusqu'à présent, le tri sélectif pour l'extrême droite, c'était les Syriens dans le charter jaune, les Comoriens dans le charter bleu. Et là, en plus, on peut faire une compensation carbone, évidemment. C'est-à-dire qu'à chaque étranger renvoyé dans son pays, un arbre sera planté. Moi aussi, j'ai des solutions, Achille, attention. Alors, pour l'instant, l'écologie, selon Le Pen et Bardella, c'est consommer local. C'est-à-dire, car produit local par un paysan blanc qui emploie des saisonniers français, bien sûr. Le RN essaye d'appliquer la préférence nationale aux embauches et aux carottes. C'est ce qu'on pourrait appeler le national-écologisme, si vous voulez. Hein, alors, ça, quel que soit le sujet, le RN arrive à être raciste. Hein. Je veux dire, s'ils arrivent au pouvoir, le radis noir, c'est fini. Alors, pour assurer le greenwashing du RN, Jordan Bardella a invité notre confrère Hugo Clément à débattre avec lui dans une soirée qui réunissait le gratin de l'extrême droite. Alors, bon. Quand il y a le mot « débattre » et « extrême droite » dans la même phrase, t'es jamais bon. Hein. Ah non, mais il y a des règles, les gars, franchement. Débattre et extrême droite, consensus et Emmanuel Macron, victoire électorale et Parti Socialiste, quand même, c'est la base. C'est fou, ça. Hugo Clément, le matin, il est sur France Inter. Le soir, il est à la soirée de Valeurs Actuelles. Je crois que c'est la migration la plus étonnante de tout le règne animal, je pense. Mais qu'est-ce qu'il a été fou dans cette soirée ? Avec Manuel Valls, en plus. Alors que la seule espèce qu'essaye de protéger Manuel Valls, c'est lui-même. Alors, suite à ce virage écolo, attendez-vous à voir les élus RN dire sur les plateaux télé « on en a marre de tous ces étrangers qui viennent rouler au diesel dans notre pays. Je parle même pas de l'empreinte carbone nécessaire pour la confection d'un seul burkini. » Et après, à un moment, ils vont devoir avoir des petites propositions quand même, j'imagine, les réunions. Et si, par exemple, à la place du terme « empreinte carbone »,

médecine, comme Surkov par exemple, ou d'autres, si on avait entendu ce que disait Tolstoï, le vice-président de la Douma, eh bien on aurait su que finalement la guerre était constitutive de ce régime, mais pas la guerre simplement contre les Géorgiens, les Tchétchènes ou les Syriens, la guerre contre nos démocraties, contre l'existence même de l'Union européenne qui était perçue comme une menace existentielle par ce régime. Et c'est ça l'aveuglement. Cet aveuglement, Sylvie Berman, comment est-ce que vous l'entendez ? Alors, si on revient au début du régime, oui, c'est une guerre qui a été un petit peu provoquée, effectivement, pour asseoir le régime. Cela dit, par la suite, on a accueilli beaucoup de Tchétchènes en France en particulier. Maintenant, il y a effectivement une hostilité de Poutine qui est allée croissante contre l'Occident. Il parle aujourd'hui d'ailleurs d'un Occident collectif et des Européens qui sont les vassaux des Américains. Elle est allée croissante, c'est-à-dire que oui, vous considérez qu'au début, le Poutine de 2000 n'est pas le Poutine de 2023. Non, je pense que n'était pas joué à ce moment-là. Et on se souvient d'ailleurs qu'après l'attentat contre les Tours, il y a eu un discours de Poutine qui était très pro-occidental. En réalité, son hostilité est vraiment venue en 2007 à la conférence de Munich. Et ensuite est allée croissante. Et là, effectivement, c'est une forme de guerre hybride. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre de haute intensité contre la Russie. Ce qu'il a visé, c'est l'Ukraine, parce qu'il n'accepte pas la réalité de l'Ukraine et que l'enfermement dû au Covid et les sources du FSB, vous en avez parlé dans l'émission précédente, l'ont aussi conduit à cela. Mais je ne pense pas que c'était le cas dès le début. Renaud Girard, votre regard là-dessus, sur l'alerte originelle, à écouter Sylvie Berman, c'est pas là qu'on a raté le coche, si je vous suis bien, c'est plutôt après. Alors, d'abord, j'étais content de l'hommage à André Glucksmann. Moi, je me suis rendu clandestinement en Tchétchénie, justement, en décembre 99, et même j'étais coincé, parce que j'étais encerclé par l'armée rouge, et donc j'ai passé Noël et le jour de l'an. J'ai réussi à traverser ensuite la montagne avec mon photographe Olivier Jobard. Et c'est vrai que là, on avait des tactiques de l'armée rouge extrêmement violentes. Alors j'avais vu un homme assez modéré, j'avais vu des gens extrémistes. Il y avait quand même des extrémistes parmi les Tchétchènes, notamment Khatab, qui je ne savais pas encore, qui appartenait à Al-Qaïda. Il y avait Basayev aussi. Et puis il y avait des gens plus modérés, notamment le président, il s'appelait Masradov. Voilà. Et il était, c'était un homme qui était prêt à faire des compromis et faire la paix, qui n'était pas un fou furieux, si vous voulez, qui n'était pas ce qu'on appelait là-bas un wahhabiste. Il n'avait pas d'islamisme venu d'Arabie Saoudite. Et je l'ai interviewé dans le Figaro et j'ai essayé, ensuite je suis allé à l'Élysée pour essayer de faire en sorte que peut-être que la France pourrait être médiateur, faire quelque chose. Et ça, c'est vrai, ça n'a absolument pas intéressé les gens que j'ai pu voir, Dominique de Villepin ou le conseiller diplomatique qui s'appelait Dana à l'époque, parce que Chirac disait non, c'est de l'ami de Poutine. D'ailleurs, Tony Blair aussi faisait la même chose. Tony Blair avait invité. C'est la cohabitation, donc gauche comme droite s'y intéressait. Tout à fait. Et Tony Blair, qui était travailliste, avait été avec sa femme enceinte à Moscou et elle l'avait invité à boire le thé avec la reine. Mais par ailleurs, alors, je pense qu'effectivement, il faut reconnaître qu'André Glucksmann a été assez prophétique. C'est pas la seule fois de sa vie qu'il l'a été, mais là, est-ce que c'est de la prophétie ou c'est juste regarder ce qu'il y a en face de ses yeux? On peut dire que, enfin, en tout cas, il a eu raison. Ceci dit, je pense aussi que Sylvie n'a pas tort parce que en février 2000, quand Védrine se rend à Moscou pour rencontrer ce tout nouveau président qui est Poutine, moi, Poutine, je ne l'ai vu qu'une seule fois, c'était en 2017. Mais donc là, il le voit bien avant, en février 2000. Et Poutine, il est ministre, Védrine, et Poutine est le nouveau président. Et il demande à Védrine, aidez-moi à importer le droit européen en Russie. Et j'ai demandé à Hubert Védrine, est-ce qu'il était sincère? Et lui m'a répondu qu'il était sincère. Alors maintenant, quand on regarde après, mais ça, c'est un entretien qui a eu lieu. Donc vous dites attention aux anachronismes. Attention aux anachronismes, Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de violence. On n'était pas tout à fait sûr, mais maintenant, je parle sous le contrôle de Sylvie, mais je crois que maintenant on a quelques preuves que la guerre de Tchétchénie avait été une réaction à un attentat, mais qui aurait été provoqué par, par le FSB lui-même, et même, dit-on, par Patrouchev, qui a des informations. On est loin du droit européen. Là, oui, on est loin. On ne le savait pas vraiment, mais je crois qu'il y a quelques doutes, oui, et l'ambassadrice me le confirme, et que donc, c'était peut-être une manœuvre, déjà, prendre le prétexte d'aller, comme avait dit Poutine, avec vulgarité, nous allons aller buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait d'ailleurs rendu extrêmement populaire en Russie. Et, il avait dit, c'est ce qu'il a fait. Voilà, et on dit même que ils ont, le FSB a fait un attentat contre des immeubles, des HLM dans la banlieue de Moscou, qui ont fait des centaines de morts quand même. Et on a mis ça sur le dos des Tchétchènes. Vous êtes pas en train de vous contredire un peu là, parce que vous avez commencé en disant... Oui, c'est pas le Poutine de l'époque, d'aujourd'hui. Il a voulu voir Védrine pour faire du droit, etc. Et puis vous nous racontez après l'horreur absolue, le type qui a assassiné son propre peuple pour des fins politiques. Oui, alors c'était les gens qui ont mis Poutine au pouvoir, Berezovsky, etc. C'était une sorte de complot. Est-ce que Poutine, mais ça je préférerais que Sylvie nous dise, est-ce qu'on a des preuves qu'il était personnellement impliqué là-dedans? Je ne sais pas. Mais je raconte quand même cet épisode et le fait aussi qu'en 2001, il a soutenu à fond les Américains après le 11 septembre. Si vous voulez, ce que l'anecdote que vous venez de raconter illustre l'aveuglement des Occidentaux, parce que vous avez une armée qui pratique ce qu'on appelle les fagots humains, c'est-à-dire qu'ils attachent les Tchétchènes ensemble et ils jettent des grenades au milieu pour économiser les grenades et ils les font exploser. Vous avez la suspicion, quand même très rapidement, autour des attentats de Moscou, puisqu'à l'époque il y a une presse libre, avant que Poutine arrive au pouvoir, et que des agents du FSB sont arrêtés à Ryazan, en train de mettre de l'exogène dans un immeuble. Et qu'à l'époque il y a une télé libre, et que donc ils se font accuser au sein de l'opinion russe de participer ou d'orchestrer des attentats. Et vous avez dans le même temps, et donc les premières mesures qui sont prises, c'est la guerre, c'est la suppression des libertés médiatiques, c'est les attaques ensuite très rapidement contre les oligarques dissidents, enfin comme Khodorkovsky, et le démantèlement de Yukos, le géant de l'énergie. Et vous avez un ministre, quand Poutine lui dit « Mais aidez-moi à importer le droit occidental chez moi », qui dit « Il était sincère ». Alors, moi je veux bien, mais en plus, ce qui est fou, à la limite on peut dire en 2000, bon, mais on a les mêmes discours en 2017, 18, 19, après l'annexion de la Crimée, après les attaques qu'on subit. Parce qu'en fait, moi, je comprends tout à fait l'argument des dirigeants qui est de nous dire, vous savez, on ne peut pas tous des droits de l'homiste, on ne peut pas faire tous des manifs pour les Tchétchènes ou pour les Géorgiens, vous êtes dans votre rôle, moi, dirigeant, je suis dans le mien. Mais par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de sous-estimer les menaces qui pèsent sur notre propre souveraineté et notre propre sécurité. Donc quand ils s'ingèrent dans nos élections, quand ils manipulent notre débat public, quand ils attaquent nos hôpitaux, Corbeil-Essonne en 2022, on doit par contre cesser toute forme d'illusion. Alors, c'est ça qui n'a pas été fait. L'attaque des hôpitaux, peut-être on l'a un peu oublié. En période de pandémie, le journal de Laurent Delahousse l'évoquait, c'était il y a quelques mois, dans notre pays, en France donc. L'hôpital de Corbeil-Essonne, victime d'une cyberattaque, s'était vu fixer un ultimatum. Si le 23 septembre, il n'avait pas payé une rançon de plusieurs millions de dollars, les pirates menaçaient de commencer à diffuser des données personnelles sur le net. Apparemment, c'est chose faite. Alors, qui sont ces hackers? Il s'agirait d'un groupe russophone qui se fait appeler Logbit 3.0 et dont les membres se trouveraient dans le monde entier. Il est l'un des plus connus et des plus actifs. Il possède même son propre site où il affiche son palmarès crapuleux avec ses victimes et ses demandes de rançon. Anne Genotet, je me tourne vers vous, député de la majorité. Est-ce qu'on a été collectivement naïf? Ravel Glucksmann, de manière assez subtile, a dit que depuis 2017, depuis 2018, depuis 2019... J'aurais pu dire 2008. D'accord. Je crois qu'il y avait une attaque en particulier, mais en tout cas, évoquer l'idée que, malgré toutes les alertes du passé, on a laissé faire au point que désormais, c'est vraiment chez nous que ça se passe, dans les hôpitaux. Comment vous entendez ça? Est-ce que vous voyez une gradation ou vous voyez des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres? Ah non, il y a une gradation très claire, et s'agissant de l'attaque des hôpitaux, rappelez qu'il y a 15 jours à peu près, le site de l'Assemblée nationale a été attaqué par des hackers russes, et c'était un lundi, la veille du jour où moi je présentais la résolution sur la reconnaissance de l'Holodomor comme génocide, la grande famine, l'extermination par la faim en Ukraine en 1932-1933, c'est probablement, enfin, ce serait une illusion encore une fois de ne pas reconnaître le lien entre les deux. Donc on voit cette gradation... Ça veut dire quoi d'ailleurs le site hacké? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors c'est un déni d'accès, c'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup 12 millions de demandes de connexion au site de l'Assemblée nationale par seconde. Donc, les députés n'ont pu aller sur le grand public, c'était le site grand public qui était complètement bloqué. D'accord. Impossibilité d'y accéder, mais les serveurs étant en dehors de l'Assemblée nationale, le site à l'intérieur de l'Assemblée le continuait à fonctionner. Ça n'a pas fonctionné, perturbé le fonctionnement démocratique en tant que tel, enfin, c'est une alerte très clair, il ne faut pas s'illusionner pour le coup, le message est très clairement donné, avec d'ailleurs une revendication dont il reste à prouver qu'elle est exacte. Enfin, cessons de nous faire des illusions là-dessus aussi, en disant c'est parce que la France n'a pas le comportement qu'il faut et soutient trop l'Ukraine ou quelque chose comme ça, les mots étaient à peu près cela. Donc oui, il y a besoin de prise de conscience, mais je voudrais revenir à un événement justement lié à l'Holodomor qui est la difficulté pour des dirigeants de parfois comprendre ce qui se passe. Et en 1932-33, Herriot, à l'époque chef de l'État français, est parti en Ukraine. Edouard Herriot est parti dans un train dont on avait fermé les rideaux pour qu'il ne voit pas ce qui se passait à l'extérieur. Cette anecdote m'a beaucoup frappée parce que moi-même, quand je suis allée en Ukraine en septembre dernier, nous étions dans un train accueilli par le président de la Rada ukrainienne, dont les rideaux étaient fermés. La première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir les rideaux. Pourtant, avec les Ukrainiens, on n'a pas de raison, a priori, de se méfier. J'ai ouvert les rideaux parce que je me rappelais de cette anecdote. Essayons de garder les yeux ouverts en permanence. C'est extrêmement compliqué. J'entends ce qu'on vous dit parfois entre la différence entre vous êtes droit de l'homiste, c'est votre travail, nous sommes responsables, dirigeants, c'est le nôtre. C'est certainement parfois difficile entre les deux, mais je crois qu'au bout d'un moment, il y a une accumulation de faits qui doit nous obliger à être éveillés. Mais il y a aussi un dernier élément qui compte aussi, c'est la sensibilisation des opinions publiques. Et là, je dois dire qu'aujourd'hui, depuis de nombreuses années, la sensibilité de nos opinions publiques aux événements internationaux, à la pression, je ne parle même pas d'une propagande qui pourrait détourner l'attention. Je parle simplement de la sensibilité aux sujets internationaux. C'est considérablement affaibli. Moi, je suis d'une génération qui a connu le débat entre deux tours 81 entre Giscard et Mitterrand. Et le journaliste qui animait le débat a annoncé dès le début du débat, nous consacrerons un tiers du débat aux sujets internationaux. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Donc, si nous n'avons pas aussi cette sensibilité, et c'est là aussi une responsabilité, je pense, des parlementaires, que de parler des sujets internationaux, de montrer combien ça nous touche, combien cet effet papillon on peut utiliser, de ce qui se passe quelque part peut avoir un impact dans nos vies, notamment en matière d'ingérence, c'est aussi fondamental. Sylvie Kaufmann, vous qui racontez le monde, précisément à l'opinion publique, est-ce que vous avez senti une évolution des centres d'intérêt, précisément des lecteurs, sur la question de la Russie? Parce que André Glucksmann, tout à l'heure, en 2000, disait « les Français ne supportent pas ». En fait, c'était plutôt lui, les Français. Est-ce que les Français étaient choqués par ce qui se passait en Tchétchénie? J'ai pas le sentiment... En réfléchissant que c'était un élément important de la campagne présidentielle de 2002, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'était un élément important pendant la campagne, mais c'était un événement, c'était un conflit dont on parlait beaucoup, et en particulier dans mon journal. On a beaucoup couvert ce conflit, on a beaucoup couvert la Russie depuis longtemps, mais je crois que depuis 23 ans que Poutine est au pouvoir, on a vraiment consacré énormément de reportages, d'enquêtes, d'analyses à ce pays, à ce qu'il faisait, et à qui était, à qui est Vladimir Poutine. Et je pense qu'en 2000, honnêtement, en 2001, on pouvait savoir qui il était. Je suis entièrement d'accord avec les Glucksmann sur ce point. Il y a bien sûr, il y avait la Tchétchénie, que je pense nos dirigeants considéraient comme une affaire intérieure, qui par ailleurs, quelqu'un a mentionné le 11 septembre. Oui. 2001, c'est quand même un événement très important. Il faut tenir compte aussi, bien sûr, du contexte mondial si on veut essayer de comprendre pourquoi on n'a pas voulu voir qui était Vladimir Poutine dès le début. Le lien avec le 11 septembre, il faut l'expliquer, c'est quoi? C'est l'idée qu'on lutte contre les islamistes, qu'on soit à Pékin, qu'on soit à Moscou. Dans une logique vraiment d'antiterroriste islamiste, voilà. Hein, donc on pouvait de grosso modo dire c'est un peu la même logique. Ensuite, il y a eu la guerre d'Irak. L'invasion américaine de l'Irak, et là, les Français, les Allemands et les Russes étaient ensemble contre les Américains. On refusait de participer, enfin, les Français et les Allemands refusaient de participer, mais on était sur la même position que la Russie à ce moment-là. Donc, ça crée des liens, je pense, ou une sorte de, peut-être une solidarité. Et si vous voulez, pendant ce temps, il se passait plein de choses en Russie. L'arrestation de Khodorkovsky, par exemple, le patron du Yukos dont vous avez parlé tout à l'heure, en 2003, il y avait les révolutions de couleurs qui commençaient à se dérouler en Géorgie en 2003, 2004 en Ukraine, et Poutine détestait ce qui se passait là-bas, était convaincu que l'Occident y participait, etc. Et donc il y avait déjà tout un contexte conflictuel qui se préparait, mais ça ne nous arrangeait, c'était pas, si vous voulez, une fois de plus, il faut se remettre dans le contexte international, oui. On ne voulait pas voir ça, les Allemands en particulier étaient partis dans une logique de « on arrivera à changer la Russie ». On va ouvrir, on va multiplier les contacts, on va faire du commerce. Hein. Il y avait cette théorie, le changement par le commerce. C'était une stratégie du gouvernement allemand qui a amené après à la relation sur le gaz. Parce que j'ai rarement entendu ça. Moi, j'ai entendu que les Allemands avaient fait du business avec les Russes et que du coup, bah, ça a aidé le régime de Poutine. Les Allemands ont justifié le business en disant... C'est pour amener la démocratie en Russie. Oui, il le pensait. Il y avait bien entendu. Il le pensait, mais il le disait. Non, je pense que c'est une politique qui était décidée en haut lieu au gouvernement. C'est une politique gouvernementale, et bien entendu, il y avait aussi les intérêts industriels, oui, et économiques. Je pense qu'on parlera de Gazprom et de Nord Stream 1 et 2, qui allaient de pair. Mais il y avait aussi, c'était un peu la suite de l'os politique de la guerre froide. Si, oui, vous voulez, je pense que les Allemands, ils ont été à la fois naïfs et mercantile. Naïf et mercantile. Voilà. Et le résultat, il est dramatique. Et, absolument. Et parfois corrompu. Corrompu aussi, mais ça va avec mercantilisme quelquefois. Vous pensez à qui? Ben, regarde, ouais, l'homme qui lance la grande dépendance allemande au gaz russe, qui sort du nucléaire, qui ensuite décide qu'il n'y aura pas de terminaux méthaniers, mais qu'on dépendra exclusivement des tubes, qui lance Nord Stream, le plus grand gazoduc du monde, sous-marin du monde, qui relie la Russie à l'Allemagne, qui passe sous la Baltique. Ouais, qui passe sous la Baltique. Cet homme qui prend cette décision... C'est pas Schröder qui sort du nucléaire, hein, c'est Merkel. Hein. C'est Merkel, voilà. C'est Schröder qui lance cette politique et Merkel qui l'a fait. Sort du nucléaire. Ouais, il l'a fait. Après Fukushima. Et qui fait que Schröder lance la politique et lance Nord Stream. Il lance Nord Stream, d'ailleurs, il faut le noter, 10 jours avant les élections, qu'il est sûr de perdre contre Merkel. Tout le monde le donne perdant, et donc 10 jours avant, il prend le temps dans sa campagne de graver dans le marbre Nord Stream, et donc la dépendance allemande au gaz russe. 2 mois plus tard, cet homme travaille pour Gazprom. Comment c'est possible? Et non seulement lui, si vous prenez les gens, et nous, pendant de longs mois, on a disséqué les gens qui ont pris ces décisions, leur destin. Vous prenez par exemple la personne qui était responsable des fonds de transition énergétique au sein du ministère de l'économie allemand. Donc là, on parle plus d'une star, là, c'est quelqu'un que personne ne connaît, c'est Marion Scheller. Hein, vous avez jamais entendu parler. Eh bien, Marion Scheller, elle met en place cette politique-là. Elle supervise ça. Et elle devient lobbyiste en chef de Gazprom, le géant du gaz russe, en Europe. Et à tous les échelons, vous avez ça. Vous avez ça en Autriche. Le ministre des Finances, qui décide de la participation autrichienne dans Nord Stream 2, puisqu'après Nord Stream 1, il y a Nord Stream 2. Donc c'est lui qui va faire que la société OMV va investir dans Nord Stream. Et comment il le fait? En donnant des capitaux publics à cette société. Il termine son mandat, il va travailler pour Gazprom. Et ça se répète, et ça se répète. Et vraiment, moi j'avais une vision de ce qu'était le régime de Poutine. Mais la pénétration de ce régime dans nos élites, là par contre, j'ai été pris de vertige. À force de voir qu'il y avait bien sûr le cas allemand qui était le plus évident, oui, qui était le plus massif, parce qu'en plus c'est la première économie d'Europe, donc quand l'Allemagne bascule dans la dépendance, finalement elle entraîne les autres. Et on se retrouve dans une situation, mais il y a les autres cas, mais on se retrouve dans une situation très concrète. Au début de la guerre, le 24 février 2022, parce que Angela Merkel n'a pas simplement lancé Nord Stream 2, elle a aussi donné des stocks stratégiques de gaz en Allemagne, la gestion des stocks stratégiques de gaz en Allemagne à Gazprom. Monsieur Habeck, qui était contre cette politique, qui était ministre écolo, découvre que les stocks stratégiques de gaz allemands ont été vidés pendant les 6 mois qui précédaient la guerre par Gazprom. Donc ils étaient à sec. Et du coup, quoi? On ne peut pas faire d'embargo sur l'énergie et on se retrouve au contraire à augmenter nos importations dans les premiers mois de la guerre avant qu'on arrive à s'émanciper du gaz russe. Donc pendant les 6 premiers mois de la guerre, cette année-là, en 2022, alors qu'on condamne, qu'on sanctionne, on n'envoie 800 millions d'euros par jour. On a créé les conditions de notre propre défense. Mais on finance la machine de guerre qu'on condamne par ailleurs et qu'on sanctionne par ailleurs. Et tout ça à cause de quoi? De personnes parfaitement identifiables qui ont été travaillées pour le système russe alors qu'ils étaient des officiels, d'anciens officiels allemands. Et il n'y a pas eu de commission d'enquête en Allemagne. Un peu comme quand le président de la Commission européenne va travailler en Chine pour Goldman Sachs, quoi. Et bah, ouais, c'est tout à fait scandaleux aussi. Travaille pour penser à Barroso. Et jusqu'ici. Pense à Barroso, oui. Ouais, bien sûr, Barroso. Et c'est un vrai problème. Et nous, notre commission, on a là-dessus une position qui est très dure sur tout ce pantouflage et cette conflit d'intérêt permanent. C'est plus que le pantouflage. Mais quand le régime pour lequel vous allez travailler après est dans une situation où son objectif stratégique est la déstabilisation de vos démocraties, c'est plus que du pantouflage. C'est de la trahison. Comment vous entendez ça aussi, Lieberman, qui appartenait à cette élite, alors pas du tout l'élite corrompue, évidemment, mais est-ce que vous étiez consciente de ces réalités-là au Quai d'Orsay, par exemple? Oui, on était conscient du fait qu'effectivement, la Russie cultivait un certain nombre de partis, en particulier des partis d'extrême droite, et qui venaient très fréquemment C'est un peu facile de l'extrême droite. Dans tous les dirigeants qu'a cité ici Rabat Glucksmann, il n'y a aucun d'extrême droite. Hein. Sur l'Allemagne. Mais en France, Marine Le Pen. Non, c'est vrai que François Fillon a été Premier ministre en même temps que Vladimir Poutine. Ils ont eu de bonnes relations à l'époque et je crois que c'est la raison, je pense pas qu'il y a de volonté de corruption. Mais je vais revenir sur 2017, oui. 2018, 2019. En réalité, quand Emmanuel Macron a décidé d'inviter Vladimir Poutine à Versailles, c'était pas par naïveté, puisque justement, il reprochait les ingérences et les ingérences dans sa campagne étaient avérées. Quand il y a eu une question sur RT, il a dit très clairement, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des organes de propagande. Mais l'idée d'Emmanuel Macron ensuite, c'est de dire qu'il fallait quand même trouver une entente avec la Russie sous la forme d'une architecture de sécurité, parce que la Russie partage des frontières avec l'Union européenne et que finalement, du temps de l'Union soviétique, on avait bien trouvé un modus vivendi. Il a essayé de le faire. Bon, effectivement, là, tout s'est fracassé sur la déclaration de guerre. Mais Joe Biden a fait exactement la même chose. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a pris contact avec Vladimir Poutine pour essayer de mettre en place une stratégie de sécurité. Et c'est ce qu'il avait fait en décembre 2021, également quelques mois avant la guerre. Bon, là, effectivement, Vladimir Poutine a rejeté la contre-proposition américaine en disant brutalement « les Américains ne respectent pas les intérêts de sécurité de la Russie ». Mais il avait essayé la même chose. Et je pense, dans combien de temps, dans des mois, dans des années, de toute façon, il faudra essayer de trouver un modus vivendi, parce que la Russie ne va pas disparaître. Mais Poutine peut-être. Je pense Poutine que personne n'est l'adversaire de la Russie en tant que tel. C'est un peu une illusion de penser que la succession sera... Sylvie Kaufmann. En 2019, devant les ambassadeurs, le président Macron parle de front commun entre l'Union européenne et la Russie. Oui, c'est les mots exacts. Je me suis replongé dans tous les discours. Il parlait de quoi? De front commun entre l'Union européenne et la Russie, sur le sujet de cette architecture de sécurité qu'il faut en Europe avec Moscou. Si vous voulez, ça se passe après l'annexion de la Crimée, qui est un fait inédit. Enfin, ça n'arrive pas en Europe qu'une puissance annexe de manière illégale un territoire en Europe depuis 1945. Ça n'arrive pas. C'est après, bien sûr, le démembrement de la Géorgie, c'est après la guerre dans le Donbass, c'est pendant la guerre dans le Donbass. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas propre à Emmanuel Macron, et vous avez totalement raison de citer Joe Biden, alors les Allemands, c'est encore plus marquant, c'est le refus absolu d'écouter ceux qui alertent. Et ceux qui alertent, ce ne sont pas les Américains, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui, ce ne sont pas les Américains. Les Américains, ils alertent juste avant l'invasion, les services américains. Mais sinon, avant, ils sont dans la même illusion que les Européens. Il y a Reset 1, 2, 3. Voilà. Donc, ce n'est pas les Américains, c'est les pays d'Europe centrale et orientale. Ce sont eux qui nous alertent et ce sont eux que nous refusons, mais superbement, d'écouter. Parce qu'en fait, nous n'avons jamais fait la réunification de l'Europe. Nous les méprisons. Parce qu'on les méprise. Nous refusons de les écouter. Et ça, c'est l'erreur fondamentale des capitales ouest européennes. Anne Genetet, vous devez réagir à ça. Oui, pour aller dans ce sens-là, récemment, je rencontrais un responsable français, un diplomate à notre ambassade à Varsovie, et qui me disait être allé récemment, ça se passait au mois de septembre, dans les Pays-Bas, dans l'Estonie de mémoire. Il rencontre là-bas le MEDEF, l'équivalent du MEDEF estonien. On était à ce moment-là, au moment où l'inflation prend des proportions très importantes, donc il est dans une réunion plutôt économique, et donc il pose la question à ses interlocuteurs, comment faites-vous face à l'inflation en ce moment? Et le gars le regardant lui disant, mais vous n'avez vraiment rien compris, vous les Français. Vous pensez vraiment que c'est l'inflation, même à 20%, qui nous pose problème aujourd'hui? Vous n'avez pas compris qu'on a un ennemi là à nos portes et que c'est lui qui nous menace et que c'est ça le danger que nous avons à nos portes aujourd'hui et non pas l'inflation. Donc cette illusion que vous évoquez, hélas, encore maintenant, on a du mal à en prendre conscience et à mesurer à quel point c'est une menace réelle pour ces pays-là de l'arc est. Mais je pense que Rabel Gutmann considère que l'ennemi n'est pas que pour ces pays-là, hein, c'est aussi pour nous. Est-ce que c'est pas une forme de naïveté de dire aussi on n'a pas écouté ces gens-là qui pensaient que la Russie était un ennemi, mais est-ce qu'on ne doit pas aller jusqu'à notre ennemi? Non, et notre ennemi aussi à nous. Il y a deux éléments. Il y a le côté guerre-agression contre l'Ukraine et la menace pour notre sécurité à tous. Oui. Et puis il y a les ingérences qui sont aussi d'une autre nature et qui veulent faire tomber notre système ou le modifier ou l'influencer de façon extrêmement... enfin, ce qui ne correspond pas du tout à nos valeurs. Il y a ces deux éléments-là. S'agissant de du côté sécurité pour notre sécurité actuellement, je trouvais, alors ça bouge quand même encore, mais qu'il y a encore l'idée, on le voit bien encore dans les discussions, que la sécurité est menacée surtout sur les pays du flanc est et moins pour nous. Rappelez-vous, au tout début, on disait attention, les chars russes sont à quelques heures de Paris, on n'en entend plus du tout parler maintenant. Absolument pas. Et pourtant, j'en parlais encore, écoutez, la personne qui m'a emmené ici en taxi me demandait, me disait, mais de toute façon, pourquoi est-ce qu'on se pose tellement de questions? Laissons à Poutine une partie de l'Ukraine et puis on n'entend plus parler. Je lui ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte qu'il ne s'arrêtera pas là? Et donc, on voit bien qu'actuellement, dans une partie de l'opinion publique française, propagande ou pas, mais il y a encore plus cette propagande contre laquelle il faut lutter, il y a l'idée que finalement, est-ce qu'il ne va pas juste s'arrêter là et nous laisser tranquilles? Non, je crois qu'il faut être clair que l'ambition qu'il a est clairement, me semble-t-il, de déstabiliser nos modèles démocratiques, nos, je mets au pluriel, car nous n'avons pas tous les mêmes modèles de démocratie libérale, mais nous avons un projet commun, quelques valeurs communes à défendre, je pense à la fois aux pays d'Europe du Nord, les États-Unis, la France, et que nous avons, enfin, j'espère, à cœur de pouvoir les défendre et que nous avons là quelques qui clairement nous menace au quotidien. On verra comment les défendre. Sylvie Goffman, vous partagez cette alerte d'une menace, pas uniquement sur les pays limitrophes d'Europe centrale et orientale, mais aussi sur nous et nos démocraties. Bien sûr. Alors, sur la question des ingérences, Sylvie Berman parlait tout à l'heure de RT, de la manière dont le président Macron avait réagi en 2017 dans à Versailles en recevant Poutine. Et il avait dit RT, Sputnik ne sont pas des médias, ce sont des agents de propagande. Mais RT a été autorisé à diffuser en France jusqu'à ce que finalement l'Union européenne, depuis que la guerre d'Ukraine a été déclenchée, interdise, et à faire de la désinformation à l'échelle de la crise des Gilets jaunes. Voilà, la manière dont ils ont couvert la crise des Gilets jaunes, leur couverture de la Syrie, de ce qui se passait en Syrie, c'était vraiment de la désinformation pure. On avait une autorité qui s'appelait à l'époque le CSA et qui n'a pas jugé utile de les contredire ou d'intervenir ou de remettre en question les licences qui étaient accordées à RT à Sputnik. Donc cette ingérence, elle existait, mais on ne se protégeait pas. En 2021, l'équivalent du CSA en Grande-Bretagne, ça c'est plus la Russie, c'est la Chine, a suspendu ou interdit, a retiré la licence de CGTN, China Global TV Network, la chaîne internationale de la Chine. Et le CSA lui a accordé la licence pour émettre à partir du territoire français. Alors, on va s'intéresser à la France. Donc il y a vraiment des choses sur lesquelles on aurait pu réagir beaucoup plus tôt et on ne l'a pas fait. Et alors, en ce qui concerne les pays, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on n'a pas voulu écouter, ils le disent assez maintenant, on avait raison, vous n'avez pas écouté les pays d'Europe centrale et orientale, et notamment les trois républiques baltes qui étaient vraiment en première ligne. Et on parlait du gaz tout à l'heure, la Lituanie en 2010, même 2009, la présidente de Lituanie de l'époque a eu un entretien avec Poutine qui l'a menacé, qui lui a posé des conditions absolument exorbitantes. Et donc, elle est revenue à Vilnius et elle a dit on va arrêter avec le gaz russe, c'est pas possible parce que sinon on va être otage, ils vont nous faire le chantage au gaz, etc. Et en 5 ans, cette petite république est devenue indépendante du gaz russe, sans l'aide de l'Union européenne. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Se han hundido las banderas italianas, en los puentes solo quedan las que son republicanas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Revue de presse. Alors, à Épinal, tiens, le vendredi 14 avril 2023, piétonnisation de la rue des Halles, colère noire des commerçants. Sans me souvenir d'une époque où les commerçants y demandaient qu'on piétonnise la rue devant chez eux, parce que ça facilitait la montée du chiffre d'affaires. Et là, apparemment, non, non, non, ils sont partisans que les voitures passent, sans s'arrêter. Bon. Remiremont, Uber et ATS, U-B-E-R, plus loin, E-A-T-S, je ne sais pas ce que ça veut dire, une arrivée qui fait parler. Les livreurs chez Uber et ATS font désormais partie du décor Romarimontain. Voilà, ça c'est clair, hein, c'est de l'information. Remiremont, maison médicale, le début des travaux espérés en septembre. Hein? Ensuite, Twirling, T-W-I-R-L-I-N-G, j'espère que j'ai prononcé correctement, Alain Moussaoui sur le toit de l'Europe. Ensuite, Remiremont encore, Vosegus Fitness, alors V-O-S-E-G-U-S, plus loin F-I-T-N-E-S, la salle de sport de l'éco-quartier ouverte. Alors, je pense que c'est du patois, hein. Alors, est-ce que c'est du patois de Gérardmer ou du patois de la Bresse ou du Val d'Ajol? Ah, ça, je peux pas vous dire, hein. Je sais pas. Discours perturbé pour Macron aux Pays-Bas. Oh. Oh, il y a des gens qui ont perturbé le... Oh. Ah, tiens. On arrive. Faut-il interdire l'intelligence artificielle? Gagner des centaines de millions, voire des milliards d'années de recherche. Ah, ça permettrait de faire évoluer la recherche. La recherche scientifique en matière médicale, notamment énergie, par exemple, comparer les avantages et les inconvénients d'une centrale nucléaire, d'une éolienne, d'un capteur solaire, d'une hydrolienne, voilà, l'intelligence artificielle pourrait permettre éventuellement de comparer des milliers, des millions de choses pour savoir quelle est celle qui présente le plus d'avantages et celle qui présente le plus d'inconvénients, par exemple. Intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Alors, ça n'a rien à voir, hein. Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Deux points, ouvrons les guillemets, précautionneusement. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, virgule, l'insurrection est, virgule, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, virgule, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec l'intelligence artificielle? Est-ce que si l'intelligence artificielle avait existé en 1789, les choses auraient été, se seraient passées autrement? Et en 1914, et en 1939, et en Indochine, en Algérie, etc. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait nous rendre service? Mais est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas supprimer des emplois? Eh oui, on a supprimé des emplois dans l'industrie, les gens qui soudaient les pièces de carrosserie de voitures, moi j'ai été remplacé par des robots qui sont plus précis, qui tombent pas malades, qui font pas grève, qui n'ont pas besoin d'un salaire, hein, qui travaillent très vite. Et puis la peinture des voitures, c'est pareil, remplacée par des robots. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer des gens? Hein? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer des députés, des sénateurs, des ministres? Il y a peut-être un danger quand même. Hein? Ah! Parce que ils ont tendance à prouver que l'intelligence artificielle serait assez souvent plus performante que le cerveau humain. Ah oui, elle est capable d'emmagasiner beaucoup plus de connaissances. Ensuite, elle est capable d'imaginer un grand nombre d'hypothèses. Et puis ensuite, elle est capable de faire un tri très rationnel entre les différentes hypothèses envisagées. Alors, les débats à l'Assemblée nationale. Ah, hein? Ah, ça pourrait devenir très silencieux, l'Assemblée nationale. Ah oui. Et le Sénat aussi. Et le gouvernement. Est-ce qu'on a bien besoin d'un gouvernement? Sûrement. Mais maintenant, il va falloir qu'on le prouve. Eh oui. Les métiers de la montagne font leur pub, PUB, au petit-déj, DEG, de l'emploi. Au petit-déj de l'emploi. Alors, il y en a qui a ajouté dans la marge, sehr stark ou sehr schön. Le professeur Rabault, Nancy, le professeur Rabault, Vosges Matin du jeudi 20 avril 2023, le professeur Rabault, nommé directeur général de la santé. Ah, ça fera un médecin de moins sur le terrain. Eh oui, un médecin de plus dans un ministère, ça fait un médecin de moins à l'hôpital ou dans la ville ou le village qu'on habite. Eh oui, c'est dommage. Faudrait peut-être pas gaspiller le savoir-faire. Hein. Christian Rabault est infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy. Bon, eh bien, j'espère que le ministère de la Santé, tout ça, ça va l'embêter et puis qu'il va revenir faire son travail. Ah oui, dans l'intérêt de la population, hein, parce que la population, c'est nous. Hein, on a envie quand même d'être soigné. Ah oui, bah tiens. Le chômage touche aussi les chefs d'entreprise. Tiens. En 2022, 2816 chefs d'entreprise de 7 aires géographiques et économiques ont perdu, aires économiques, le Grand Est, hein, ont perdu leur activité professionnelle. Un chiffre en hausse de 29,7% par rapport à 2021. Oh, ben alors peut-être qu'on va commencer à lutter contre le chômage alors. peut-être qu'on va commencer à s'intéresser au chômage, à la question du chômage, au problème du chômage, et qu'on va trouver des solutions. Des solutions qui, prises ensemble, bien combinées, vont amener la solution. Chaque jour, près de 8 chefs d'entreprise perdent leur emploi dans le Grand Est, signale Anthony Streicher de l'association GSC, etc. Le Grand Est, qui comptait selon l'INSEE 91 000 chefs d'entreprise en 2022, n'est bien évidemment pas le seul à afficher ce triste palmarès. En France, l'an passé, 38 670 chefs d'entreprise se sont retrouvés au chômage. Ou alors là, après ils voteront, ils lutteront contre le chômage. Parce que il y a une époque où on utilisait le chômage pour faire baisser les conditions de travail, pour faire baisser les prix, pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et oui, mais il arrive un moment où, à force de sacrifier des salariés, en faire des chômeurs, ben on sacrifie du pouvoir d'achat. Et puis le pouvoir d'achat, ben ça fait baisser les chiffres d'affaires des magasins, qui eux font baisser les chiffres d'affaires de leurs fournisseurs, et donc des chefs d'entreprise finissent par se retrouver au chômage. Bon, alors la boucle est bouclée, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ah oui. SNU obligatoire dans les Vosges, pas d'informations à ce sujet, selon le recteur. Bon, ben on se renseignera, puis on verra s'il y a une suite. Alors, chute, les urgences à l'hôpital de Rumiremont, 1 kilomètre unique. Le stade de VTT sera prêt pour l'été. Eh oui, s'il y a des chutes en VTT dans la forêt, voilà, ceux qui seront victimes des chutes, seront seulement à 1 kilomètre environ, ou un peu plus, des urgences de l'hôpital de Rumiremont, qui pour l'instant existe encore, qu'on n'a pas supprimé, parce qu'on aurait très bien pu mettre les urgences à Épinal, ou encore plus, de façon plus rentable, à Nancy, ou qui sait, à Paris. Hein? Paris, c'est le centre du monde, au moins pour les Français. Alors, voilà. Premièrement, tout allait bien jusqu'à l'arrivée programmée de France Travail. Alors, France avec une majuscule, ben oui, la France, et Travail avec une majuscule aussi. Ah, s'intéresse de plus en plus au travail, de moins en moins au chômage. Enfin, qu'est-ce que la mission locale? Alors, insertion sociale et ou professionnelle. Trouver un emploi. La question est de la plus haute importance pour l'avenir des jeunes de nos entreprises et nos territoires. Bien entendu, nous allons interpeller nos parlementaires et le gouvernement. C'est Patrick Lagarde qui parle, qui est le président de la mission locale du pays de Rumiremont et de ses vallées. Alors, tiens. Rumiremont et ses vallées. Naissance et décès de la semaine. Hein. Alors, il y a eu cette semaine, la semaine du 20 avril 2023, des naissances et décès. Alors, 12 naissances, dont 0 de Rumiremont. Hein. C'est-à-dire que les gens qui habitent à Rumiremont, eh bien, ils sont prudents, ils n'ont pas d'enfants. Ben oui, hein. Vu la montée du chômage depuis des années et des années, les gens, ils ont compris que faire des enfants, c'était faire des chômeurs. Ah oui. Bon, c'est aussi faire des clients pour les magasins, mais et puis des contribuables pour les impôts, mais c'est surtout faire des chômeurs. Ah oui. Alors donc, faut arrêter de faire des enfants. Ce que pensent les citoyens électeurs de Rumiremont. Hein. Alors, naissance, bon, ben les parents sont originaires de La Forge, La Bresse, Pouxeux, Arches, Bruyères, Basse-sur-le-Rue, La Bresse et Fougerolles. Donc dans ces villages, il faut aller habiter dans ces villes ou ces villages-là, parce que là, apparemment, il y a de l'emploi. Eh oui, puisqu'il y a des naissances, c'est qu'il y a de l'emploi. Hein. Alors décès, La Bresse, Cornimont, Le Thiau, Le Toly. Eh bien, vous voyez, on ne naît pas à Rumiremont, mais on ne meurt pas non plus à Rumiremont. Donc, tout va bien. La situation est stable. C'est bien, on a bien voté. Santé, vaccination infantile, confiance en baisse. L'UNICEF inquiète. Jeudi 20 avril 2023, Vosges matin. En matière de vaccin, il y a un an et un an. Il y a un avant et un après Covid. Oh. La confiance dans la vaccination infantile a baissé selon l'UNICEF. L'UNICEF. L'organisation internationale appelle à renforcer la prévention dans le monde pour éviter le retour de maladies comme la rougeole ou la poliomyélite. Eh oui. En France, il y a eu longtemps un consensus fort sur les vaccins. Et puis, ça a baissé ces temps derniers. Est-ce que le Covid, est-ce que la gestion du Covid et pour quelque chose là-dedans. Chine, un incendie a ravagé un hôpital de Pékin. Soudan, les civils fuient le conflit et la capitale. Union européenne, le Parlement adopte une loi contre la déforestation. Alors tout ça, c'est des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça, ce sont différents endroits du monde, bien sûr. Allemagne, nouvel appel à la grève dans le secteur ferroviaire vendredi. Pologne, 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Voilà, 48 millions d'enfants non vaccinés dans le monde. Le travail, on a dit gouvernement pour chaque commune, hein, les municipalités, on a dit gouvernements départementaux, on a dit gouvernements régionaux, on a dit gouvernements nationaux. Et oui, il faudrait peut-être que l'ONU devienne un vrai gouvernement international, avec de vrais pouvoirs. Eh oui, ça empêcherait peut-être des choses comme la guerre en Ukraine ou ailleurs, hein. Oui, un gouvernement digne de ce nom, il empêcherait la guerre. On va pas faire une guerre entre l'Alsace et l'Aquitaine, par exemple, ou entre le Nord-Pas-de-Calais et l'Auvergne. Hein. Bon, personne n'aurait cette idée-là. Eh bien, les guerres internationales pourraient aussi être interdites, empêchées, hein, si on avait un gouvernement humain digne de ce nom. Hein. Plusieurs salariés de plus de 55 ans, le travail des seniors est majeur. Ils savent transmettre leur savoir-faire aux jeunes. Ah, alors les moniteurs de CET, vous n'aurez bientôt plus de travail. Ah oui, vous avez été sauvés en 1981, mais voilà, mais c'est sûrement fini. Ah oui, faut simplifier, faut alléger les structures, eh oui. Une proposition de loi dans ce sens a été lancée, l'embauche des seniors et majeurs pour atteindre le plein emploi. Ah, tiens. En France, le taux d'emploi des 60-64 ans est inférieur de 10 points à la moyenne européenne. Tiens. Pourquoi ? Comment ? 33% sont en emploi chez nous contre 60% en Allemagne. Eh oui, mais l'Allemagne, elle a des problèmes démographiques qui sont dus aux périodes antérieures. La guerre de 14 a pesé son poids, la guerre de 39-45 aussi. Ce qui fait que l'économie allemande, elle fonctionne avec des problèmes d'effectifs différents des nôtres. Et oui. Hein, voilà. Alors, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, deuxième partant de la droite, sur la photo, était en visite vendredi après-midi à Dracy-le-Fort, dans l'entreprise Instant Poel et cheminée Bipinto. Alors, B-Y. Et Instant, I-N-S-T-A-N-T. Ben, Instant, c'est du français, hein. Oui. B-Y, je sais pas. Hein, je sais pas. Faudrait que j'apprenne. Hein, oui. Voilà. Des manifestants gazés lors de la visite de François Braun. Action coup de poing de la CGT au musée d'Orsay. Tiens, ils ont donné, les membres de la CGT, ils ont donné des coups de poing sûrement dans les sculptures. Ils se sont fait mal au poing certainement. Et puis dans les tableaux, hein. Ah oui. Oh, mais c'est ça les syndicalistes. Oh, les syndicalistes, ils donnent des coups de poing dans les œuvres d'art. Oui, bien. Et puis, si ça se trouve, même ils tapent sur la police. Non. Pour Pap Ndiaye, il existe des phénomènes de violence policière. Pap Ndiaye, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Et il admet qu'il existe des phénomènes de violence policière. Il va peut-être quitter le gouvernement. Il a peut-être marre déjà d'être là pour jouer le rôle qu'on lui fait jouer. Alors, Bayer, une boîte allemande qui existait déjà avant 1914. Ah oui. Elle a vécu deux guerres et ça l'est bien sorti, l'entreprise Bayer. Empoisonneur professionnel depuis 1863. Alors, ils ont eu des problèmes avec la justice à cause de vente d'héroïne en 1895. Avec le Xylon B en 1930. c'est-à-dire le xylon B, c'est un gaz qui a été utilisé après 1930 comme camp pour les pour moyen d'extermination dans les camps d'extermination. Hein, oui. Financement du parti nazi en 1932. Ah oui, ils ont financé le parti nazi en 1932, Bayer. Ah ben tiens, quand on achètera quelque chose dans un magasin, bon voilà. Et il a participé à la campagne d'Adolf Hitler. Et puis, trafic d'humains, achat de femmes cobayes à Auschwitz. Vous voyez, pour faire des expériences médicales, ils prenaient des femmes juives ou résistantes dans les camps de concentration, notamment à Auschwitz, pour faire des expériences. Et ensuite, ils les assassinaient, bien sûr. Bien sûr, entre guillemets, bien sûr. Sang contaminé, 1978-1985. Transmission consciente du VIH. Ils ont fait des contaminations volontaires. Ben oui, pour faire des expériences. Hein, ben oui. Hein. Voilà, quand on a eu l'habitude, dans les années 40, de faire des expériences comme ça. Huile frelatée, 1981, 600 morts, 2000 victimes. Contraceptif dangereux, 1985, thrombose, allergie, saignement, dépression. Pesticides tueurs d'abeilles, 2016, c'est eux qui ont mis au point les néonicotinoïdes. Intégration de Monsanto, 2016, glyphosate, agent orange, OGM. Financement de En Marche, 2019, campagne européenne d'Emmanuel Macron. Et j'oubliais... Moyen-Orient, Riyad et Téhéran rebattent les cartes. Riyad et Téhéran rebattent les cartes. Vosges matin du samedi 22 avril 2023. Alors, il y a une photo sur laquelle figure le chef de la diplomatie iranien, Amir Abdollahian, et son homologue saoudien, Faisal bin Farhan al-Saoud. Et ils sont pris en photo en compagnie d'un diplomate à Pékin le 6 avril dernier. Et les deux, Riyad et Téhéran, ont l'air de consulter leur téléphone, je sais pas quoi. Et le diplomate chinois, lui, il a l'air d'observer et de réfléchir.